Ceci est une lecture de Christophe Bouillet pour audiocité.net. Cet enregistrement est placé sous licence Creative Commons by NCSA 3.0 FR. Espoir. Poème en vers libre du Chevalier à la Rose. La vie nous soumet bien des épreuves. Nous demande de faire des choix sans preuve, injecte le doute dans les situations, exige que l'on prenne position. Parfois, face à de tels dilemmes, nous nous effondrons en nous-mêmes, cherchons refuge dans une décision prise à la va-vite et sans réflexion. Il faut ensuite du temps pour réaliser l'erreur que nous ont fait commettre nos peurs. L'espoir permet alors de se relever et de régler la plupart des difficultés. Que voulez-vous, je suis ainsi, incorrigible optimiste, doux rêveur. L'espoir me ramène à la vie et l'amour devient ma demeure. Je ne peux croire que l'univers n'est que chaos, que tout ce qui nous entoure est le fruit du hasard, résultant en un gigantesque et improbable bazar, faisant de ce qui nous entoure un étrange imbroglio. Voilà pourquoi je refuse de croire que cet univers nous offre un échantillon de bonheur, nous montre un avenir rempli de sourires, sans pleurs, pour finalement nous enlever tout espoir. Mais j'avoue que ma foi possède aussi d'autres racines. Quelques mots jetés à la hâte dans un message, quelques vers délicatement glissés dans une poésie divine, ou encore un signe, un sourire, un regard sans âge. Oui, sans âge, car toujours l'amour se reconnaît. Ce regard que tu poses sur moi, si particulier, auquel s'ajoute cet irrépressible sourire partagé, et ce sentiment d'être enfin complet. Ainsi, même quand tu cherches à te convaincre du contraire, cette traîtresse de raison ne peut dissimuler les signes de ton cœur. Et malgré la souffrance et les larmes, c'est avec l'âme légère que je laisse agir le temps, que je laisse venir notre heure.